bientôt la terre pour les abords de Jupiter. Je serai un point à l'horizon, un souvenir, une illusion. Je me souviens pourtant de tout, de la rivière des automnes, de toutes ces années d'errance à conjurer la fin de l'enfance. J'irai ensuite visiter Mars pour y retrouver ta trace. Tu te caches peut-être là-bas, loin du tumulte et du fracas. Je me souviens souvent de nous, riches de dans les étoiles. Monter au ciel, quoi de plus banal? Je n'ai jamais pu me contenter que tu appartiennes au passé. Et je m'en souviens maintenant, c'est fou. Enregistré pour